Lettre 18e. Commencement du procès. Tactique des accusés. Conversation parisienne. Le causeur mystérieux. 6 mai 1835. Le monstre est à la fin sorti de son œuf. Le procès a commencé hier, et nous sommes tous dans la joie de nous être réveillés ce matin bien vivants. Du reste, ce qui adviendra de nous ou du monstre quand ses écailles ou ses plumes pousseront, c'est ce que j'ignore. Mais à chaque jour suffit sa peine, et je puis vous assurer de très bonne foi que quand le journal de Galignani nous arriva comme nous venions de commencer notre déjeuner, nous fûmes enchantés de voir que tout s'était borné à quelques prétentions républicaines de la part des accusés et à quelques refus monarchiques de la part de la cour. Les hostilités commencèrent par le refus de quelques-uns des accusés de répondre quand leurs noms furent appelés. Puis vint la demande d'admettre dans la salle d'audience, pendant les procédures, les mères, les épouses et tous les parents du sexe féminin de chacun des accusés. Après cela, ils demandèrent d'une manière un peu bruyante des défenseurs de leur choix, le corps des avocats communément chargé de la défense des accusés, ne contenant sans doute pas des orateurs assez dévoués à leur parti pour diriger les débats comme ils l'entendaient. Ces demandes furent repoussées avec fermeté par la cour, toutefois après qu'elles se furent tirées pendant une couple d'heures pour en délibérer. Cérémonie dont je ne comprends pas bien la nécessité. Quant à la présence des dames, comme d'après le calcul le plus modéré, leur nombre se serait élevé à plus de 500, le défaut de galanterie des pairs de France doit, en cette occasion, leur être pardonné en faveur de leur discrétion. Quoi qu'il en soit, la personne qui dit d'avoir été chargée par les autres de solliciter l'agrément de leur société déclare hautement que cette demande serait renouvelée chaque jour. Ceci me rappela l'histoire de cet homme qui, pour punir sa femme, l'a forcé d'écouter tous les jours le récit de ses méfaits, et j'y vois la preuve que le plan des accusés consiste à tourmenter leur juge autant qu'il leur sera possible. L'un des accusés avait choisi pour défenseur le célèbre Amé de Lamennais, l'auteur des paroles d'un croyant. Le procureur général fit remarquer que c'était dans l'intérêt même de la défense, qu'il fallait ne pas s'écarter de la règle d'après laquelle il n'était permis qu'à des avocats de plaider. Après cela vint la demande faite par un des accusés au nom de tous les autres d'une liberté illimitée dans les communications entre les accusés de Lyon, de Paris, de Marseille. La seule réponse qui fut faite à cette demande fut que la séance est élevée, avis qui souleva une clameur terrible. Et quand les pairs quittèrent la cour, ils furent assaillis par les cris de « Nous protestons, nous protestons !» Et ce fut ainsi que se termina la première journée. Je crois que le gouvernement et toutes les personnes instruites de la véritable situation des choses savaient parfaitement bien d'avance qu'il n'y avait aucune probabilité de trouble à cette période de l'affaire. Chacun paraît convaincu que les esprits inquiets, les furieux qui ont pris part au vaste complot qui se juge en ce moment regardent ce procès comme l'occasion la plus favorable possible pour faire un coup de théâtre politique. Et leur projet aurait été singulièrement contrarié s'il y avait eu une émeute avant le lever de la toile. Tout sentiment de terreur panique paraît maintenant calmé, même chez les personnes les plus éloignées du centre de mouvement. Et les seuls effets de cette grande affaire, qui soient visibles pour le moment, se montrent sur les traits des républicains qui, selon leur coutume, parcourent les lieux où ils sont le plus sûrs d'être vus et qui prennent soin de composer leur visage de façon à ce qu'ils soient, comme dit le poète, semblables à un livre où les hommes peuvent lire des choses étranges. En attendant, je remercie le ciel de ce que cette première journée se soit si bien passée. J'en entendais tant parler qu'elle était devenue pour moi comme une sorte de cauchemar et j'éprouve aujourd'hui un vrai soulagement. Il est évident que si les agitateurs du dehors jugeaient convenable de faire quelques tentatives d'émeute, le gouvernement de son côté se sent assez fort pour les réprimer et pour assurer au pays ce repos après lequel il a si longtemps soupiré en vain. Les troupes de service au Luxembourg ne sont pourtant pas nombreuses. Dans la cour du palais, il y avait un bataillon de la première légion de la garde nationale et environ 400 soldats de la ligne occupaient le jardin. Mais quoi que l'on ne fasse pas sans nécessiter un grand déploiement de force, nous avons la consolation de savoir qu'il n'en manquerait pas s'il survenait une occasion quelconque d'en faire usage. On m'a dit l'autre jour que quand Lord B. vint à Paris, il eut la bonté d'aller voir Armand Carrel dans sa prison, et que par suite de cette marque de sympathie et d'affection, on avait suggéré aux prisonniers du Luxembourg l'idée d'envoyer une députation de leurs amis auprès de sa seigneurie, pour la supplier de venir leur prêter l'appui de son éloquence, en plaidant leur cause contre les tyrans qui le retenaient si injustement dans les fers. Cette proposition obtint, à ce qu'il paraît, dans le premier moment, l'assentiment général, mais elle fut en définitive rejetée sur l'observation d'une personne qui avait eu un jour l'occasion d'entendre sa seigneurie raisonner en français. Ceci est d'autant plus malheureux pour les amis de ces infortunées victimes que, restreintes comme elles le sont dans le choix de leurs défenseurs aux membres du barreau, cette restriction, toute sévère et toute antilibérale qu'elle est, n'exclurait point sa seigneurie à qui, dans aucun pays du monde, on ne peut refuser le titre d'avocat. Ce ne fut qu'après avoir expédié quelques messagers pour nous assurer que tout était tranquille, que nous crûmes pouvoir nous risquer à tenir l'engagement que nous avions pris de passer la soirée chez Madame de L. J'aurais été bien fâché de le manquer, car les événements de la matinée semblaient avoir éveillé tous les esprits et mis tout le monde en train de parler. Il n'y a rien que j'aime autant que d'entendre une conversation parisienne quand elle est pleine, libre et animée, surtout quand la société est peu nombreuse, comme elle l'était dans cette occasion, et quand elle est disposée à la gaieté. Rien dans ce cas n'indique des précautions ou une réserve d'aucun genre. Parmi les personnes que j'ai eu parfois l'occasion de rencontrer, il s'en trouve qui figurent parmi les personnages les plus importants du jour. Mais leur conversation est aussi enjouée, aussi dépourvue de contraintes, que s'ils n'avaient pas autre chose à faire que de s'amuser. Ceux-ci, à la vérité, ne courent pas de risque de se compromettre. Mais j'en ai connu d'autres à qui leur position ne donnait pas autant de sécurité, et qui n'en permettaient pas moins à leurs plus secrètes pensées de frapper l'oreille de tous ceux qui voulaient les écouter. En un mot, quelques restrictions que la police, dont la nature a beaucoup de rapport avec celle du phénix, s'efforce d'imposer à la presse périodique, son influence ne s'étend certainement pas jusqu'aux paroles qui expriment, avec une égale liberté la foi ou le scepticisme, le royalisme ou la sédition, la philosophie ou le bel esprit. Dans des relations aussi passagères que le seront apparemment la plupart de celles que je forme ici, et qui consiste presque toutes à passer une soirée tantôt dans un salon, tantôt dans un autre, il est naturel qu'un petit nombre d'exceptions près, je cherche plutôt l'amusement que l'instruction, et s'il en était autrement, je courrais risque de rencontrer, en général, du désappointement où j'attendais du plaisir. Car il est évident que ce même sentiment qui porte la plupart des personnes que l'on rencontre ici dans la société à s'exprimer en liberté, les empêche aussi de rien dire sérieusement, d'où il résulte qu'après avoir causé pendant une couple d'heures sur des sujets que l'on croit très importants, un mot enjoué, un rire, termine l'entretien et me laisse souvent en doute sur les véritables sentiments des personnes que je viens d'écouter. Mais si je ne réussis pas toujours à obtenir des renseignements utiles, je suis sûr de trouver en toute occasion du plaisir. La conversation ne languit presque jamais. Une série d'aimables riens, ou une suite d'idées qui étonnent par une hardiesse apparente, me font souvent penser qu'un talent remarquable a été déployé dans ce que j'ai entendu. Mais quand je cherche ensuite à me le rappeler, il ne reste presque rien qui vaille la peine d'être conservé dans la mémoire. Il n'en est pas moins vrai qu'il y a réellement du talent, et un très agréable, à débiter ainsi des riens que l'on pourrait prendre pour de l'esprit. Je connais aussi, dans notre chère patrie, un petit nombre de personnes qui possèdent cet heureux don, et je ne sais si, en fait de grâce et d'agréments extérieurs, je ne le préférerais pas à tous les autres. Mais je crois que cette qualité existe chez nous dans la même proportion que les bons acteurs de la haute comédie comparés à ceux que l'on trouve en France. Chez nous, ce talent est rare, tandis que les Français paraissent tous l'avoir plus ou moins apporté avec eux en naissant. Je comparerais volontiers le plaisir que l'on éprouve en écoutant ces légériens qui forme le sujet des conversations dans les salons français, à celui qu'inspire le pétillant breuvage de leurs coteaux. La conversation française ressemble beaucoup au vin de champagne. La gaieté qu'elle cause est instantanée. La mousse s'élève et les esprits les plus ternes trouvent souvent des mots spirituels seulement par leur contact avec des esprits plus brillants qu'eux. j'oserais presque soutenir que l'effet de cette délicieuse inspiration pourrait être senti par toute femme admise dans la société française, même quand elle n'entendrait pas la langue. Qu'un œil observateur, accoutumé à lire l'expression si visiblement quoique si passagèrement tracée sur la physionomie de personnes qui causent ensemble, que cet œil, dis-je, regarde, s'il ne peut l'entendre, l'effet produit par les éclairs de l'éloquence française. Qu'une autre comparaison encore me soit permise. Je trouve que c'est comme l'électricité appliquée à une touffe de plumes attachée ensemble au conducteur par un fil. D'abord l'une, puis l'autre s'élance, s'envole, monte et retombe avec légèreté, avec grâce, avec caprice, et toutes pourtant faisant partie du même cercle. Il va sans dire qu'en ce moment je ne parle pas de sociétés nombreuses. Celles-ci, comme je vous l'ai déjà dit, se ressemblent étonnamment dans tous les pays, et rien de ce qui s'appelle de la conversation ne peut y avoir lieu. Ce n'est que quand le cercle se compose d'un petit nombre de personnes que cet effet est produit, et alors, l'impulsion une fois donnée par un mot piquant, qui semble avoir été proféré au hasard, chacun en reçoit sa part et y contribue en retour par toutes les pensées scintillantes auxquelles il a donné naissance. Dans la maison où j'étais hier au soir, il y avait une personne qui semblait prendre un malin plaisir à attirer l'attention pour la tromper. Il ressemblait absolument au Timanthe de Molière, de qui Célimène dit « Et jusque au bonjour, il dit tout à l'oreille. » Par exemple, « J'ai entendu raconter aujourd'hui le trait le plus original du monde sur le conte du roi. Voulez-vous que je vous le dise ?» Or, la dame à qui il s'adressait, étant une doctrinaire décidée, elle ne lui répondit qu'en secouant la tête d'un air de reproche. Mais comme ce geste était accompagné d'un demi-sourire, et comme la dame pencha en même temps l'oreille vers celui qui parlait, ce fut elle, et elle seule, à qui il communiqua à voix basse le trait le plus original du monde. Une autre fois, il s'adressa à la maîtresse de la maison, mais comme il parlait d'un bout du cercle à l'autre, il fixa non seulement son attention, mais encore celle de toute la société. « Ma chère dame, » dit-il d'un ton caressant, « voulez-vous me permettre que je vous dise un petit mot séditieux ?»« Comment, séditieux ? Et à propos de quoi, s'il vous plaît ? Mais c'est égal, comptez toujours. » En recevant cette réponse, cet homme, qui avait tant de bonnes choses à dire à l'oreille, se leva du fond de son fauteuil, ce qui n'était pas chose fort aisée, car il n'était ni léger ni agile dans ses mouvements, et faisant gravement le tour des sièges de la société, il se plaça derrière Madame de J, et lui dit tout bas quelque chose qui la fit rougir et secouer la tête. Elle rit pourtant aussi, et lui dit qu'elle n'aimait pas les politiques timides, que les mots séditieux devaient être prononcés hautement. Cet avis le fit retourner à sa place, mais il le prit fort bien, car il cessa ses mystères et raconta à haute voix plusieurs petits commérages politiques sans aucune importance, mais si bien tournés qu'au premier moment on était tenté de les croire fort intéressants.